Vous avez le droit de vous offrir un bon bol d'air frais parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit de choisir un prêt personnel à impact plus responsable. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. En savoir plus sur nos actions, sur le site, sur la route de vos projets.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, voire conditions en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Ah, je ne comprends pas, moi je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus de la philosophie, aujourd'hui, la greffe. Qu'est-ce qu'une greffe? Chacun d'entre nous en a au moins une petite idée. Ou plutôt des images. Des souvenirs de films de science-fiction où des êtres se recomposent et se prolongent de tissus composites et d'organes étrangers. Chacun en a aussi des a priori. Serais-je prêt à faire don d'une partie de mon corps? Comment pourrais-je vivre avec les mains d'un autre? La vie d'une personne greffée est-elle une vie normale? Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une vie normale? De l'identité à l'éthique, du social au pathologique, se déploie ainsi la possibilité d'une philosophie clinique. Malcolm Walsh, je dirige l'Institut Biosecret pour la Brigade Spéciale. Je sais qui vous êtes. Mais vous ne savez pas ce que je sais faire. Développement physique, transformation physique. Nous avons dû fabriquer une nouvelle oreille à votre ami Loomis à partir de rien. Ce que nous vous proposons, ce n'est pas une greffe définitive comme celle-là. Ce sera provisoire. Avec les nouveaux anti-inflammatoires qui existent aujourd'hui, on cicatrise en quelques jours. Vous n'avez pas le même groupe sanguin, mais Pollux n'en saura rien, et la différence de poids est minime. Quant aux pigments de la peau et de l'œil, ils sont quasiment identiques. Nous procéderons à un découpage au laser pour l'implantation capillaire, et nous utiliserons des micro-implants pour les poils. Nous ferons de la chirurgie plastique abdominale pour gommer les éventuels bourrelets. Mais ce n'est pas ça le plus difficile. Voilà le vrai travail scientifique. Ceci est notre dernière invention, un moule morphogénétique. L'intérieur est modelé sur votre visage et l'extérieur sur celui de Troy. Ensuite, nous fixons son visage sur le vôtre, pas une réplique, son vrai visage. Puis nous raccordons les muscles, les conduits lacrymaux et les terminaisons nerveuses. Vous voulez retirer son visage et le mien? Emprunté. L'opération est complètement réversible. Et vous croyez que je vais accepter? Bonjour Martin Dumont. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'université Paris-Est-Créteil, responsable de la chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu. Vous êtes l'auteur du livre « L'annonce aux malades », c'est paru au PUF en 2015, et vous avez aussi travaillé sur la greffe. Alors là, on vient d'entendre un extrait du film de John Woo, « Volte-face », qui date de 1997. C'est un petit peu l'imaginaire qu'on a de la greffe en général, à savoir un film de science-fiction où sont raccrochés des bouts d'organes, de corps, et tout ça en fait, une sorte de truc un petit peu pop, un peu qui clignote. On n'a véritablement en fait aucune idée de ce que c'est qu'une greffe. En tout cas, on en a une image assez éloignée de la réalité. Il n'y a pas du tout d'enjeu médical dans ce que présente John Woo. Ici, il y a l'idée, par exemple, très frappante, qu'il s'agit de greffer un visage. Et les chirurgiens qui ont fait des greffes dites de visage insistent sur le fait que ce qu'on greffe, c'est des tissus faciaux pour reconstituer auprès de quelqu'un un visage, peut-être pas son visage, peut-être pas non plus le visage du donneur, mais un visage dans sa fonctionnalité. Donc on est très loin dans la réalité de la clinique, de ces images de s'approprier la face de quelqu'un d'autre. Puis par ailleurs, dans cet extrait qui est très intéressant, qui est vraiment très frappant, il y a des choses, des sortes d'énormités. Hein. Il est dit que l'opération sera parfaitement réversible, ce qui n'est pas le cas dans les greffes, ce qui pose un problème pour les greffes de visage. Pour la première fois, une deuxième greffe de visage chez le même patient en France, c'est une première mondiale. C'était quand ? Je crois que c'était l'année dernière. Et ça pose une vraie question, par exemple, d'un point de vue éthique, dans les greffes de visage, la question de la stratégie de sortie. Si la greffe, à terme, échoue, quand la greffe échouera, qu'est-ce qui se passe? Donc on a d'abord un problème de définition de ce que c'est que la grève, pas seulement d'imaginaire finalement. C'est qu'est-ce qu'une grève? Comment on pourrait le définir? Oui, alors je pense qu'il y a un problème de définition parce que l'idée très souvent qu'on a de la grève, c'est celle du remplacement, de la pièce de rechange. Comme vous le dites, d'un visage sur un autre, voilà, comme dans Volte-face où on prend l'identité d'un autre. Voilà, comme si tout cela était sans reste, sans aucun dommage. Et il faut définir la grève, il me semble, c'est assez simple, hein, par le transfert d'une partie d'un organisme assez souvent sur un autre, très rarement à soi-même, l'autogreffe. Et dans ce transfert, eh bien, y a plein de choses qui se passent en réalité, biologiquement, psychiquement, socialement sans doute. Et ça n'est pas du tout une opération aussi bénigne que son seul principe fait paraître. Alors je vais vous poser deux questions en une. Martin Dumont, pourquoi la philosophie peut-elle s'intéresser à la grève qui est déjà en fait approchée par le médical, par la psychologie? Que peut apporter la philosophie à la grève? Et pourquoi, inversement, la grève a aussi des choses, est un objet bizarre, inattendu pour la philosophie, mais peut-être une manière aussi pour elle de se renouveler? Alors la grève, moi il se trouve que je m'y suis intéressé un petit peu par hasard, par la rencontre de médecins qui se posaient des questions sur leur pratique. Et j'ai eu le sentiment d'y reconnaître toute une série de problèmes philosophiques extrêmement classiques. L'un est le multiple, l'autre est soi, la question du don et de l'échange, mais beaucoup plus précise, incarnée, changée, renouvelée un peu par cette urgence. Et donc je pense que ce que la grève peut proposer à la philosophie, c'est une sorte de défi à la pensée, de savoir si les outils conceptuels que la très riche tradition dont on hérite nous fait cadeau, il s'agit de les essayer à ça. Est-ce qu'ils fonctionnent? Et puis du coup, ça peut pousser à être créatif, à essayer de trouver de nouveaux concepts, à formuler d'autres manières de faire les choses. Voilà, du point de vue de l'apport de la grève à la philosophie, il me semble. Après, pourquoi est-ce que la philosophie devrait se pencher sur la grève? Oui, devrait, là, vous dites devrait. Je sais pas, enfin, je crois que c'était comme ça que vous l'aviez formulé. Je pense qu'il n'y a pas d'objet nécessaire de la philosophie. Je pense qu'on peut philosopher à partir d'absolument tout. Je me garderais de dire qu'on avait absolument besoin d'une philosophie de la grève, même si je suis très content d'avoir essayé de faire quelque chose comme ça. Mais c'est certain que ça a été un objet qui a été beaucoup travaillé par les sciences sociales, de manière admirable, en psychologie, en droit, en sociologie, en économie. Mais ça m'intéressait d'essayer de donner un tour un peu plus méditatif à ça. C'est-à-dire d'essayer de voir, peut-être c'est ça le geste philosophique, c'est d'essayer de voir en quoi la grève aussi nous fait rejoindre des dimensions universelles de la condition humaine aussi, à travers la question de l'appropriation, du handicap, enfin des questions bien plus large au fond que cette question très précise médicale. Si mon propre cœur me lâchait, jusqu'où était-il le mien et mon propre organe? Était-il même un organe? Depuis quelques années déjà, je connaissais un battement, des brisures de rythme, peu de choses en vérité. Des chiffres de machines comme la fraction d'éjection, dont le nom me plaisait. Pas un organe, pas une masse musculaire rouge sombre bardée de tuyaux, qu'il me fallait à présent soudain me figurer. Pas mon cœur battant sans cesse, aussi absent jusqu'ici que la plante de mes pieds dans la marche. Il me devenait étranger, il faisait intrusion par défection, presque par réjection, sinon par déjection. J'avais ce cœur au bord des lèvres, comme une nourriture impropre, quelque chose d'un haut le cœur, mais en douceur. Un doux glissement me séparait de moi-même. J'étais là, c'était l'été, il fallait attendre. Quelque chose se détachait de moi, ou cette chose surgissait en moi, là où il n'y avait rien, rien qu'une propre immersion en moi, d'un moi-même, qui jamais ne s'était identifié comme ce corps, encore moins comme ce cœur, et qui se regardait soudain. Comment devient-on pour soi une représentation et un montage de fonctions? Et où disparaît alors l'évidence puissante et muette qui tenait tout ça sans histoire assemblée? Mon cœur devenait mon étranger, justement étranger parce qu'il était dedans. L'étrangeté ne devait venir du dehors que pour avoir d'abord surgi du dedans. quel vide ouvert soudain dans la poitrine ou dans l'âme, c'est la même chose, lorsqu'on me dit « il faudra une transplantation ». D'entendre, Martin Dumont, un extrait de L'Intrus, le texte de Jean-Luc Nancy, philosophe qui a disparu très récemment. C'était paru en 2010. Jean-Luc Nancy a subi une grève du cœur et c'est difficile en fait de dépasser ce texte pour comprendre toute la problématique qui est en jeu avec la grève sur la question de l'identité et de l'appropriation et de la représentation de soi. C'est un texte qui est à la fois très profond philosophiquement et très touchant à lire, qui est vraiment émouvant. Et c'est vrai que la question qu'il pose, en tout cas là dans l'extrait qu'on a entendu interprété par Bernard Gabay, c'est vraiment ce paradoxe de la grève, c'est qu'elle oblige à la fois à se questionner sur ce qui est mien, précisément au moment où un corps étranger entre en moi. Oui, merci beaucoup pour ce texte, il est vraiment absolument superbe. C'est effectivement un écrit très important de Jean-Luc Nancy. Je suis très heureux qu'on puisse parler en plus de lui aujourd'hui. Ce qui est très frappant dans ce texte, c'est ce que montre bien Jean-Luc Nancy là, c'est que s'il y a besoin d'une transplantation, c'est aussi parce que une partie de son corps s'est détachée de lui, dit-il, quelque chose comme ça. Et qu'il y a donc d'abord un premier sentiment d'étrangeté qui est celui de tomber malade et de voir mon corps me faire défaut. Il y a d'ailleurs quelque chose qui est souligné parfois dans les écrits sur les greffes, mais qui est peu mis en valeur, qui est la mélancolie du patient à l'égard de l'organe qu'il a perdu, qui est quelque chose qu'on traite peu, qu'on néglige un peu, puisque après tout, il est réparé. Oui, mais oui, on pense plus au greffon. Voilà, comment accepter le greffon. Qu'est-ce qui est perdu ? Mais il y a aussi comment accepter la perte au début. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut de très évident et qu'il faut rappeler à chaque fois qu'on parle de greffe. S'il y a greffe, c'est parce qu'il y a eu une perte. Il n'y a pas greffe parce qu'on veut devenir semblable à une star ou une top modèle. En réalité, c'est parce qu'il y a c'est eu... C'est des soupçons, ça, qui pèsent C'est des soupçons qui ont pesé dans un débat éthique un peu houleux au moment des premières greffes de main, puis de visage. On a... donner cet argument fréquent en éthique de la pente glissante, jusqu'où va-t-on aller. Et là, médicalement, en fait, c'est pour ça que la question, c'est aussi d'avoir une philosophie clinique, c'est de ne pas s'en tenir aux seules images un peu fantasmatiques que peuvent faire naître les réalités médicales, même si c'est très important de les prendre en compte. Mais il faut aussi examiner finement, sérieusement, la réalité clinique pour pouvoir un peu purifier cet imaginaire qui, parfois, est un peu extravagant. Même si, encore une fois, il a son intérêt. Enfin, il faut écouter aussi pourquoi ça fait naître ces fantasmes, il me semble. Mais... Et donc, il y a cette question de, quand on se pose la question de l'identité des patients greffés, comment cette identité est restaurée ou malmenée, ce dont il faut partir, c'est que c'est d'abord la maladie qui les a malmenés, qui les a très profondément déstabilisés, qui les interrogations, je trouve ça très beau que Jean-Luc Nancy fasse repartir tout cela de la question de son cœur au départ qui le lâche. La question, c'est pas seulement... comment accepter un cœur autre, c'est d'abord comment accepter que mon cœur, dont je n'avais jusqu'ici jamais conscience, dit-il, d'un coup apparaisse dans le champ de ma conscience par le fait justement qu'il est en train de dysfonctionner. Et que ce même corps, en fait, il soit obligé de se le représenter précisément au moment où on lui greffe un organe qui n'est pas le sien. Donc là, il y a encore un autre paradoxe qui est qu'il doit devenir lui-même avec l'organe d'un autre. Et ça, c'est vraiment, je pense, la question qui traverse le plus l'imaginaire quand on pense à la greffe, même si parfois c'est un petit peu extravagant, comme vous l'avez dit, ou comme on l'a entendu avec l'extrait de Volte-Face. Et on a l'impression de prendre quelque chose de quelqu'un d'autre pour se l'approprier, mais vraiment presque, en fait, quelque chose du vol ou de l'imposture. Oui, alors il y a ces questions-là, hein, bien sûr, dans les greffes qui se posent vraiment, qui ont été très mises en valeur dans les premiers temps de la greffe. C'était très mis en avant, particulièrement pour les greffes de main et de visage dont je me suis plus particulièrement occupé. Ça fait partie des grandes interrogations. Comment peut-on vivre avec les mains, le visage de quelqu'un d'autre ? Suis-je moi ? Serais-je encore moi-même ? Est-ce que ces gens ne vont pas avoir un sentiment de dépossession totale d'eux-mêmes ? Le terme de vol que vous avez employé est aussi très fort et pose aussi derrière une autre question très importante de la greffe qui est celle du don. Selon quelle procédure ce transfert d'un organisme à un autre a eu lieu ? Et je pense que là, il y a effectivement quelque chose, ce que souligne Jean-Luc Nancy, c'est qu'il y a une sorte de décalage brutal entre le vécu d'un corps, dans une forme, au fond, d'inconscience. Ça rejoint la définition très traditionnelle de la santé comme chez le riche, de la santé comme vie dans le silence des organes. J'ai un corps quand je n'ai pas trop conscience que je l'ai, justement. Et en revanche, la douleur éveille une conscience du corps. Et du coup, le passage à la représentation médiée par toutes les techniques et par toutes les sciences qu'il y a derrière dans la transplantation. Et tout l'enjeu, c'est comment, il me semble, repasser ensuite de cet étage de la représentation à avoir à nouveau un vécu de son corps, à nouveau un certain silence de celui-ci dans son fonctionnement habituel. Pardon d'être en retard, mon chéri. J'espère que tu en as profité pour travailler. J'ai essayé, mais rien à faire. Allons. 6 mois après l'opération, tu ne voudrais tout de même pas. Volchev nous a prévenus, il va falloir du temps. Mes mains ne m'obéissent plus, Louise. J'ai parfois l'impression... Stéphane, avant ton accident, nous devions nous marier. Qu'attendons-nous? Avant mon accident, j'étais Stéphane Orlac, le pianiste. Maintenant, avec ces mains inutiles, qui suis-je? Alors prends les miennes. Mes mains, Stéphane. Épouse-moi, je t'aiderai. Je t'ai fait mal, tu vois. Mes mains ne savent plus ce qu'elles font. Ne sois pas ridicule, Stéphane. Je te trouve bizarre. Ce n'est rien. Excuse-moi, Louise. Je vais rentrer. J'ai besoin d'être seule. C'est un extrait du film d'Edmonté Gréville de 1961, Les mains d'Orlac. Alors on a entendu ce pianiste qui a été greffé des mains et qui, en fait, voulant refaire du piano, n'y arrive pas. Est-ce que c'est par ce sentiment, en fait, de malhabileté, de retrouver la sensibilité que le patient greffé va retrouver le sentiment de lui-même? Oui, moi je pense très profondément, c'est la thèse que j'essaie de défendre dans ma thèse, justement, de dire que c'est le retour de la fonctionnalité des parties greffées qui permet de se les réapproprier de manière étrange, non pas exactement en se disant en fait c'est bien moi, mais en se remettant à fonctionner comme une totalité organique un peu moins heurté qu'avant. Et du coup, ces parties de mon corps pouvant disparaître quelque peu dans leur usage, c'est comme cela qu'elles deviennent miennes. Non pas par une déclaration explicite disant « c'est bien moi ». Ce qui prouve que c'est bien moi, c'est que je n'y pense plus, peut-être, ou relativement moins, disons. En fait, c'est pas qu'on n'y pense plus, c'est qu'en fait, on les sent. En fait, on en a un usage, une fonctionnalité plus qu'une réflexion, c'est ça? C'est ça, mon sentiment, c'est qu'on les utilise pour quelque chose d'autre que seulement elles-mêmes. Par exemple, pour jouer du piano. Alors, pour les greffer des mains, c'est pas le niveau d'habileté qu'il recouvre en réalité, hein, mais pour retrouver un usage. Ce qui fait que j'ai à la fois une sensation intrinsèque dans ces parties greffées et aussi une sensation extrinsèque. Je sens à nouveau quelque chose d'autre à travers elles. Moi, je me souviens d'un patient greffé italien qui m'a raconté le sentiment très indescriptible et difficile pour lui-même à comprendre, la première fois où il a à nouveau senti l'eau couler sur ses mains. Il n'était pas sûr de reconnaître la sensation de l'eau qui coulait sur ses mains. Ça lui a pris un certain temps. Et je pense que ça fait partie de ces moments où un greffé des mains commence à dire « mes mains », non pas seulement parce qu'il a senti ses mains comme étant les siennes, mais qu'elles lui ont permis de restaurer une existence comme pouvant être en interaction avec de l'eau, avec... La plage pour lui aussi. Un environnement. En fait, ce que vous dites, Martin Dumont, c'est que ce n'est pas tant la question de l'appropriation que la question de la fonctionnalité qui va primer dans la question de la greffe. Et que par là même, c'est pas la question de l'identité un petit peu figée. Je suis moi là, je ne suis pas moi à ce moment-là. Mais en fait, je suis moi quand en fait j'agis avec mon propre corps. Et là, on assiste à une redéfinition de l'identité. Il me semble, oui, ce qui est très important, il me semble, c'est la restauration de la continuité d'une existence. C'est des personnes qui ont subi des traumatismes, qui ont rompu très profondément cette continuité, ou qui peuvent l'avoir rompu. Il y a différents vécus de ce genre de traumatisme. Et du coup, ce qui permet de se les réapproprier, c'est pas une identité exacte à l'organisme, au corps tel que je pouvais l'avoir précédemment. Parce que ce n'est pas ça qu'il regagne. Il regagne des mains qui ont un aspect un petit peu étrange, un petit peu déstabilisant les premières fois qu'on les voit, des visages eux aussi un peu étranges, qui sont non pas leur visage d'avant, non plus le visage du donneur, puisqu'il y a le squelette qui modèle différemment, il y a les expressions qu'on utilise qui font que il y a la marque personnelle qui vient se loger dans le greffon. Mais il me semble du coup que ces patients regagnent, c'est une identité dynamique. La dimension de l'identité, de pouvoir rouvrir une histoire, par exemple à l'égard d'un traumatisme qui a pu les figer de manière très longue dans un événement brutal de leur passé. Ce qui se rouvre, c'est des possibles, une histoire par ce biais-là, et c'est peut-être ça la dimension fondamentale de l'identité. C'est-à-dire que l'identité n'est pas identique. C'est ça le paradoxe, c'est que l'identité n'est jamais identique, mais elle est dynamique. Et c'est ça que peut nous apprendre aussi la greffe, c'est-à-dire essayer d'éviter de se représenter soi-même en tant que corps stable, avec des fonctions stables et un rapport à l'autre stable. Voilà, il s'agit de pouvoir se représenter soi-même comme un autre, comme dirait Paul Ricoeur. C'est exactement ça qu'il vise, il me semble. L'idée de l'ipséité, qui n'est pas la même-té à ses yeux, qui n'est pas le fait effectivement d'être identique à soi au sens A égale A à travers le temps, mais de se reconnaître continuellement comme étant le même à travers des changements, et à travers des changements dont je suis capable d'être acteur. Il y a cette dimension-là dans la greffe qui est... particulièrement les greffes de main et de visage, encore une fois, qui est que les patients, ils sont acteurs de leurs soins, sont engagés dans une quasi-aventure. Et il y a ça aussi que la greffe leur redonne. Ils prennent leur destin un peu plus en main. Ils subissent le fait d'avoir des possibilités thérapeutiques très restreintes en dehors de la greffe, ces patients, souvent. Donc là, ça rouvre la possibilité d'avoir une dynamique, de gagner des capacités régulièrement. Et dans ce cas-là, oui, c'est bien l'identité, non pas comme figée, mais comme un dynamisme que tout ça met en valeur, il me semble. Puis il y a une autre dimension quand même de l'identité qui est le rapport aux autres. Je vous propose d'écouter un texte que vous nous avez indiqué, Martin Dumont. Chère mademoiselle, cœur solitaire, j'ai 16 ans maintenant... et je ne sais pas quoi faire, et j'aimerais bien si vous pouviez me dire ce que je dois faire. Quand j'étais petite, ce n'était pas aussi grave parce que je m'étais habituée à entendre les garçons du quartier se moquer de moi. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir des amis comme les autres filles pour sortir les samedis soirs. Mais les garçons veulent pas de moi parce que je suis née sans nez, et pourtant je danse bien, et j'ai un joli corps, et mon père m'achète de beaux habits. Je reste assise à me regarder toute la journée et je pleure. J'ai un gros trou au milieu de la figure qui fait peur aux gens, même à moi. Alors je peux pas en vouloir aux garçons de ne pas vouloir sortir avec moi. Maman m'aime, mais elle pleure quand elle me regarde. C'est affreux. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un sort aussi horrible? Même si j'ai fait des mauvaises choses, c'était pas avant d'avoir un an et je suis née comme ça. J'ai demandé à papa, et il a dit qu'il sait pas, mais que peut-être j'ai fait quelque chose dans l'autre monde avant ma naissance, ou que peut-être j'étais puni pour ses péchés. Mais je ne crois pas parce qu'il est très gentil. Est-ce que je devrais me suicider? Amicalement, désespéré. Alors c'est une lettre anonyme citée en ouverture de Erwin Goffman. Son livre s'appelle « Stigmates, les usages sociaux du handicap ». C'est paru en 1963. On l'a entendu interprété par Bernard Gabé. Alors effectivement, cette lettre est signée désespérée et c'est très dur à écouter. Et ça pose bien la question de la dimension sociale du handicap, aussi du statut en fait de l'identité qui est toujours en relation avec l'autre et qui, dès que il y a notre identité qui est malade, perd effectivement une grande manière de se représenter aux autres. Oui, ce texte est effectivement complètement poignant. Il démontre d'abord l'ouvrage de Goffman sur Stigmate est vraiment un ouvrage admirable sur la complexité où il déplie toutes les facettes du handicap, la manière dont il y a toute une série de plans de l'existence sur lesquels tout ça va avoir des répercussions. L'absence de confiance que je peux avoir dans les autres, parce que s'ils viennent m'aider, est-ce que c'est, ou me trouver, est-ce que c'est par simple pitié? Enfin, il montre comment toutes les interactions sociales, sa grande idée, sont minées possiblement par l'existence du handicap. Et là, on voit effectivement la profondeur de la détresse d'une personne du fait de sa défiguration, enfin de défaut au visage. Et je pense que la grève du visage cherche aussi à soulager cette dimension-là d'une malformation du visage. Cela dit, les déformations au visage ont des impacts variables selon les personnes. En réalité, il y a des manières très différentes d'y réagir. Il y a des personnes qui vont être très abattues par une défiguration qui nous paraîtra assez mineure, et des personnes qui seront capables de mieux vivre des défauts qui nous paraissent au contraire majeurs. Si bien que les médecins qui pratiquent les greffes de visage ont... c'est pas si simple pour eux de cerner les indications, de cerner quels sont les patients pour qui il est souhaitable de proposer ou... pour qui il est souhaitable d'accepter leur éventuelle demande. Parce que comment ça se passe justement quand on fait une demande de greffe du visage? Est-ce que c'est une décision du corps médical qui estime que c'est de fait, on ne pourra pas y échapper parce que le patient a vraiment perdu une fonctionnalité du visage? Est-ce que c'est aussi par un souci esthétique qui n'est pas du tout négligeable? Dans le cas de cette jeune fille qu'on a entendue, elle a l'air d'avoir une fonctionnalité qui est préservée, de vivre normalement, sauf que elle a une vie qui n'est pas normale, disons normale dans le sens d'une vie sociale épanouie avec des amis, puisqu'elle n'ose même pas sortir, puisqu'elle se sent défigurée. Donc, sur quoi repose, quels sont les critères pour dire qui a besoin d'une greffe au visage ou pas? Le seuil, est-ce le fait que ce soit insupportable pour la personne, ou est-ce que c'est la fonctionnalité du corps? Alors, les critères sont pas évidents à discerner. C'était un peu l'objet de mon travail aussi. C'était sur ça que les médecins sentaient qu'ils avaient besoin de eux-mêmes réfléchir, d'avoir de l'aide pour y réfléchir. Il n'y a pas de critères absolument quantitatifs. Et là, d'abord parce qu'on est dans une... Enfin, en termes de quelle est la superficie, par exemple, du visage qui serait abîmée. Et les médecins sont encore à la recherche des bons critères d'inclusion. En général, il s'agit évidemment d'une co-décision en fait de l'équipe et des patients, avec un examen qui est assez approfondi du patient, parce que on prend garde de ne pas inclure des personnes qui ne parviendraient pas sans doute à suivre des traitements qui sont assez durs ou qui sont longs. Donc une dimension psychique, une dimension de combat. Oui, parce que c'est ça. Ce qu'il faut dire aussi, effectivement, c'est qu'une fois qu'on a subi une greffe, alors Jean-Luc Nancy le raconte bien, c'est-à-dire qu'on prend un traitement immunosuppresseur, ce qui fait qu'en fait, on est beaucoup plus exposé au virus et on a même d'anciens virus en soi qui se réveillent, ce qui nous rend tout le temps vulnérables. Donc il y a quand même un calcul presque risque-bénéfice qui en vient presque à désincarner cette question de la greffe. Parfois, on est obligé de se dire qu'est-ce qui est le plus vital pour moi? D'avoir une vie épanouie avec une greffe, mais être exposé à des risques de virus et être sous traitement à vie et un rejet aussi du greffon. Ou alors, est-ce que je reste avec ma vie actuelle? C'est-à-dire que je peux survivre, mais je vis mal en fait au quotidien. Oui, ce qui en fait un choix du coup extrêmement délicat à opérer. Il y a des patients greffés des mains qui ont demandé la dépose de leurs mains parce qu'ils trouvaient que les bénéfices n'étaient pas suffisants par rapport à ce qu'ils attendaient et qu'ils avaient conscience des risques encourus. Alors ces risques étant de l'ordre de la représentation, hein, bien sûr, ce qui rend difficile de les évaluer. Enfin, ils n'étaient pas encore réels à ce moment-là quand les patients ont demandé la dépose du greffon. Inversement, dans le cas de Jean-Luc Nancy, ce qui est très frappant, c'est que c'est une transplantation qui lui a été présentée manifestement comme nécessaire, évidente, la seule solution, et ça fait partie des difficultés dont il témoigne. Le fait qu'au fond, on ne lui a pas demandé au nom de quoi il voudrait survivre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas envie de survivre, par ailleurs il était manifestement très heureux, mais que ça a été présenté comme une évidence qu'évidemment il ferait le choix de subir une opération très dure pour gagner des années de vie. Donc tout ça, ça fait des choix, bien sûr, qui sont assez complexes. Et c'est pour ça que les équipes, dans les greffes de main et de visage, sont prudentes. Elles font preuve de certaines résistances, même auprès des patients qu'elles souhaiteraient inclure. Elles préfèrent résister un certain temps pour vérifier le bien fondé de la décision et le fait que le patient puisse se l'approprier, parce qu'il s'embarque vraiment dans toute une aventure, le patient qui s'embarque là-dedans. Mais tout dépend aussi du temps, non, j'imagine, qu'on a. C'est-à-dire, il y a des greffes qui sont plus urgentes que d'autres à faire. Une greffe du cœur est plus urgente qu'une greffe du visage, de reconstruction du visage, par exemple. Il y a cette question-là. Et puis, il y a cette question de... Je reviens sur ces critères d'évaluation. Et peut-être, c'est là l'occasion de développer votre l'idée que vous avez d'une philosophie clinique. C'est de dire, en fonction de quoi puis-je établir des principes non pas intangibles et surplombants, mais qui vont être à la fois proches du médical et de la clinique et en même temps proches de cas particuliers. Ben effectivement, la dimension temporelle, elle est essentielle dans des greffes où on a le temps, effectivement, on peut se donner le temps d'attendre, comme les greffes de main et de visage, et des greffes qui sont faites dans l'urgence, typiquement les greffes cardiaques ou hépatiques, qui sont très souvent pratiquées dans l'urgence. Et puis il y a aussi dans les greffes toute une dimension d'attente non voulue, qui est que les patients candidats à la greffe très souvent attendent un greffon, alors qu'ils aimeraient bien être greffés plus rapidement, une fois que la décision a été prise et qu'il y a cette attente contrainte. Donc il y a toute cette diversité temporelle là qui se met en œuvre et qui fait partie des choses que les soignants sont amenés à soigner également. Enfin, la dimension d'attente, de précipitation. Ils ont bien conscience qu'on n'est pas du tout dans les mêmes configurations et qu'il faut aider les patients à traverser ça aussi. Que ça fait partie d'un processus de greffe. Que, particulièrement aussi, que la greffe, évidemment, ne s'arrête pas à l'opération chirurgicale et qu'ensuite, elle est sur le très long cours. Pendant des années, on reste greffé tant qu'on n'a pas perdu son greffon et donc on demande un soin régulier. Et donc, il y a toute cette dimension temporelle à prendre en compte. Du point de vue des critères, effectivement, moi, j'ai essayé de ne pas proposer des critères comme des règles mécaniques universelles dont il suffirait de faire le calcul pour arriver au bon résultat. Même si le calcul des bénéfices et des risques, à mon avis, a du sens, hein, bien sûr. Ça aide les équipes à méditer ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a fatalement quelque chose d'absolument singulier aussi dans ces décisions. En plus, dans des procédures pour les greffes de main et de visage qui sont innovantes, donc dans lesquelles on n'a pas des tables devant nous des résultats possibles qui soient extrêmement fiables. C'est en train d'évoluer et puis il n'y a pas encore une très grande masse de données. Donc c'est des exemples de choix dans lesquels les équipes sont obligatoirement encore plus à l'écoute, espérons-le, des patients que d'habitude, de leur singularité, de l'unicité de leur situation. Il y a des... Par exemple, l'équipe de Boston qui a fait des greffes de visage a décrit un patient qui les a obligés à bouleverser les critères qu'ils s'étaient donnés parce qu'ils ont trouvé sa plainte pour une défiguration qui n'était fonctionnellement pas très invalidante. Elle était effectivement esthétiquement très problématique et ils ont trouvé que cette plainte était justifiée et que c'était eux qui n'avaient pas posé les bons critères au départ. J'ai vite appris que la chirurgie est du grand art et du bricolage incertain, mélange de technique, d'expérience et d'improvisation. On ne choisissait généralement pas entre deux solutions, la bonne et la mauvaise, mais entre plusieurs possibilités qui présentaient toutes des inconvénients. Il fallait les mettre en balance avec les avantages. Je suis assez vite devenu le chroniqueur en chambre de ma chirurgienne. Puisqu'elle refaisait de moi un homme avec un visage, tous ceux qui passaient devant moi devaient faire d'elle une héroïne. À elle l'action, à moi le récit. Les romans de chirurgie sont des romans de chevalerie. Je la comparais volontiers, en présence de mes amis, à un excellent joueur d'échecs, Fischer, Kasparov ou Capablanca. Elle connaissait toutes les combinaisons maxillofaciales, elle calculait ses coups à l'avance, sa technique était sûre, et sa passion du geste, exagérée comme toute passion. Mais elle devait aussi, face à certains cas comme le mien, qui relevait du défi aussi bien chirurgical que social, faire preuve d'intuition et d'imagination. Je relevais autant de la menace que du défi. Avant la greffe de mon péroné sur la mâchoire, elle m'a dit paisiblement « Ça marche dans un peu plus de 90% des cas. Si ça ne marche pas, on recommence avec l'autre péroné et avec une équipe différente. Il n'y a jamais d'échec complet. » Le service était d'ailleurs réputé pour ses péronés. On en faisait environ 90 par an. Mais longtemps après la réussite de cette greffe, elle m'a dit un jour en consultation « Savez-vous ce que vous avez traversé ? Quand la greffe du péroné a eu lieu, on n'en menait pas large. Si elle avait raté, c'est nous qui plongions tous avec vous. » Je l'ai regardé, stupéfait. Cette expression me fit sentir la violence que cette histoire lui avait imposée. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre un extrait du Lambeau, le texte de Philippe Lançon. Philippe Lançon qui a été gravement blessé lors des attentats contre Charlie Hebdo et qui a subi une greffe de son péroné sur sa mâchoire. Il raconte ça donc dans son roman Le Lambeau. Et ce qui est très intéressant, c'est... Alors tout le texte est magnifique. Et ce qui est très intéressant, Martin Dumont, c'est le début aussi où il dit « La chirurgie est du grand art et du bricolage incertain ». Ce qui finalement résonne avec ce que vous venez de dire sur les critères pour dire qui peut subir une greffe. Est-ce qu'il sera capable d'endurer? Est-ce que sa vie sera meilleure véritablement une fois greffée? C'est aussi, il y a aussi une part d'incertitude, presque d'improvisation, qui rend la possibilité, peut-être l'exigence d'une philosophie clinique, à la fois nécessaire et en même temps, elle-même, cette philosophie clinique, on se demande sur quoi elle peut vraiment s'élaborer, sur quoi elle peut s'appuyer, sur quels principes, sur l'individualité, sur des principes moraux. Comment ça peut se passer? Alors la philosophie clinique, moi ce que j'essaye de défendre un petit peu, de pratiquer, je suis pas le seul, c'est une philosophie justement qui essaye d'être la plus attentive possible aux réalités cliniques médicales. Une des tendances un petit peu de la bioéthique pourrait être d'avoir un peu une position de surplomb à l'égard des réalités de la médecine, parfois peut-être de parler de manière un peu hâtive sans suffisamment s'être intéressé à l'inventivité réelle de la clinique. Parce que quand vous disiez qu'il y a de l'incertitude dans le geste chirurgical, ça veut dire aussi qu'il y a de l'inventivité par rapport à ça. Il y a de la créativité. Enfin, quand je le disais, quand Philippe Lançon le disait. Ça veut dire qu'il y a aussi une réponse à l'imprévu, qu'il y a une part d'aventure, donc d'expérimentation et de progrès ou en tout cas d'acquisition de savoirs supplémentaires. Et moi, je pense qu'une philosophie clinique, c'est... Peut-être que ce qui caractérise ma façon de faire, c'est d'abord une curiosité scientifique réelle pour toutes ces questions. Enfin, moi, ça me passionne vraiment de voir les trouvailles qui ont pu être faites, les voies tortueuses, les impasses qui ont dû être traversées. Donc, il y a l'examen d'une inventivité technique, théorique, morale aussi, du coup, parce qu'il y a une inventivité dans la manière d'accompagner les patients qui se fait. Et moi, je pense que, d'un point de vue philosophique, c'est quelque chose qui est extrêmement riche, qui permet de relancer, alors cette fois-ci pour passer du très précis au contraire très large, de relancer toutes les questions d'une anthropologie philosophique à partir de ça, sur l'individualité, comme vous le disiez, sur la liberté. Le philosophe ne sera pas frustré, il va retrouver toutes ces grandes questions, mais un peu modifiées, plus pointues peut-être, plus urgentes aussi. Et pour la clinique, parce qu'on parle de philosophie clinique, mais pour les médecins, par exemple, on a déjà donc des comités médicaux, des scientifiques qui se retrouvent, et puis on a aussi des comités de bioéthique qui interviennent, par exemple, sur des grandes questions de société qui concernent nos corps, que ce soit le don d'organes, que ce soit donc la greffe par la même, que ce soit aussi, c'était aussi le cas de Vincent Lambert avec la mort encéphalique. Donc on a déjà quand même des comités qui se prononce là-dessus. Si la philosophie élabore une pensée de la clinique, est-ce qu'elle aura une visée pratique, c'est-à-dire aussi de fournir des outils qui soient précisément entre les médecins et entre les bioéthiciens? Les uns et les premiers, les bioéthiciens étant souvent accusés d'être un petit peu surplombants, quand les médecins étant, eux, accusés d'être trop sur le terrain, trop dans l'urgence. Alors, ça serait une très belle ambition, moi, je trouve, d'être dans cet entre-deux. Je trouverais ça très pertinent, utile, je pense, j'espère. Je pense que les médecins, par ailleurs, réfléchissent, bien sûr, en fait, mais manquent un peu, parfois, d'outils conceptuels, et c'est ça qu'on essaye de leur apporter dans la discussion. Et les comités d'éthique peuvent aussi être amenés à se pencher sur des cas très très précis. Il faut distinguer entre différentes formes de comités d'éthique. Il y a la visée législative qui est assez générale, mais qui va aussi aller voir les acteurs du terrain de toute façon. Et puis il y a les comités d'éthique locaux qui vont aider à la prise de décision sur un cas en particulier qui paraît problématique. Donc ces deux étages un petit peu différents. Mais je pense qu'une philosophie clinique, oui, s'efforcerait de faire ça et aussi de les relier à la manière dont, pour le grand public, ces questions-là peuvent éclairer aussi les existences de tout à chacun en tant qu'on est susceptible d'être malade ou de proche de quelqu'un de malade, mais en tant, encore une fois, que les questions d'appropriation de notre corps, en fait, se posent à nous même quand on n'est pas greffé. Les questions du don se posent aussi même quand on ne se pose pas la question de donner pour un de ses proches. Et donc, il y a là un terreau très riche dans lequel aussi, le grand public devrait être visé, il me semble. Alors j'aimerais qu'on écoute justement pour parler du don ce film Réparer les vivants qui est donc tiré du roman éponyme. Là c'est le film de Catel Qui le verrait et c'est sorti en 2016. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route ce matin. Il était passager à l'avant d'une camionnette sans ceinture et il a subi un grave traumatisme crânien. Quand les médecins du SAMU l'ont pris en charge, Simon était déjà dans le truc. Je comprends pas. Pourquoi on n'opère pas mon fils tout de suite, là? Quand Simon est arrivé ici, qu'on a constaté l'hémorragie, on a demandé conseil à deux neurochirurgiens. Et tous les deux nous ont confirmé qu'il était trop tard. Il ne pouvait plus opérer. Mais il y a des gens qui sortent du coma. Oui, mais dans le cas de Simon, c'est tout à fait impossible. Il est en état de mort cérébrale. Je suis profondément désolé, mais je peux pas vous dire autre chose. Votre fils est mort. C'est la réalité et il faut l'entendre. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Vous avez pu voir que son cœur et ses organes continuent de fonctionner. Et cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Je veux juste que vous sachiez que si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Si vous en avez envie, il y a peut-être un chemin qu'on peut faire ensemble pour trouver la réponse juste, celle de Simon. Mais comment il pouvait penser à ça à son âge? Bien sûr, prenez le temps. Seulement, il faut savoir que ce temps est limité, malheureusement. Au bout d'un moment, on ne pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don. Tiens. Martin Dumont, j'imagine que la question du don, quand on se questionne sur celle de la greffe, est une question qui se pose évidemment. Comment on prend cette question-là du don? Là encore, en voyant comment elle se pose dans la clinique aussi, on voit bien dans l'extrait là qu'on vient d'entendre ce qui m'a frappé en l'écoutant là, c'est le télescopage brutal des temporalités, la temporalité de l'annonce du décès et puis celle de la question posée autour du prélèvement. Et donc il y a cette dimension là. Après moi, ce qui m'a frappé beaucoup aussi dans l'examen des questions des greffes, c'est la manière peut-être dont le don d'organes, la manière dont la question se pose, la manière dont elle est traitée, transgresse certains, je sais pas comment dire, peut-être interdits sur le don. Par exemple, on n'est pas un vrai don, on n'est pas censé le solliciter, croit-on. Si on m'a demandé de donner, j'ai peut-être pas donné librement. Et dans le don d'organes, c'est ce qu'on se permet de faire. On fait des campagnes en faveur du don. Alors, les associations, d'ailleurs, aussi font des campagnes pour requérir les dons. Mais du coup, j'ai le sentiment que parfois, on a transgressé de manière assez tranquille. Enfin, le geste me semble... Allègrement, même. Pas allègrement. Enfin, il y a eu des questions qui se sont posées, hein, mais... Il y a une manière un peu de résoudre un peu les questions dans la pratique par une forme d'évidence. Mais parce que le vrai problème, c'est peut-être le terme de don d'organe, en fait. Est-ce que c'est pas tant la transgression de ce que serait conceptuellement un don, à savoir qu'un don ne se demande pas, que le fait de prélever un organe? Parce que c'est ça, le vrai geste, c'est le prélèvement d'un organe. Vous n'avez pas l'air convaincu. Moi, je défendrais plutôt que le vrai geste, c'est un don. Enfin, je crois que je tiens au vocabulaire du don. Mais est-ce c'est le terme qu'on emploie parce qu'on parle moins de donneur, par exemple, on parle moins d'un donneur, oui, dans la mesure surtout où on parle d'une personne qui est décédée, par exemple, dans le cas de Simon dans l'extrait, le cas de donneur n'est pas réel puisqu'il ne donne rien. Il n'est plus là pour donner, voilà. Il donne à quelqu'un qu'il ne connaît pas, quelque chose qu'il n'a peut-être pas. Enfin, c'est un peu compliqué de dire que je possède mon cœur. Enfin, c'est assez étrange. Et le don a soulevé beaucoup de discussions. Effectivement, il y a eu une période où on a essayé de favoriser plutôt le terme de prélèvement pour automatiser un peu la question, puisqu'une des questions sur le don, c'est le fait qu'il y a encore 30% des gens en moyenne qui refusent le don, alors que ça serait possible et que ça pourrait effectivement aider très fortement d'autres personnes. Moi, je trouve intéressant de garder quand même le... Je résiste un peu à ça. D'abord parce que quand on présente cette idée auprès des patients, ils la refusent assez violemment, de ne plus parler de dons, de parler seulement de prélèvements, voire éventuellement les questions de payer les donneurs, etc. Alors, c'est-à-dire que la manière dont la partie d'un organisme est arrivée dans le mien compte. La justice dans le soin, elle compte sur est-ce que c'est un bon soin que j'ai reçu ou pas. Et c'est pourquoi et les psychiatres décrivent le fait que les patients, très souvent, alors même que c'est un don où ils ne connaissent pas qui leur a donné, quand c'est pas un vivant, un proche, reforment une relation psychique avec le donneur. Ils se l'imaginent, ça représente une dette, difficile à solder, cette dette, mais pas impossible, ça demande de la créativité. Mais moi, je résisterais, je trouve intéressant que notre société maintienne l'idée d'un don qui est en plus médié socialement, qui forme une nouvelle forme de solidarité entre nous assez étrange, indirecte, mais pourtant réel, et du coup c'est une nouvelle modalité du don qui apparaît, qui est pas le don des cadeaux, le don de la main à la main, mais qui est plus institutionnel, mais qui pour autant a toute sa valeur. Du coup, c'est quelque chose qui a été attaqué à la fois par des gens très en faveur du don, qui disent mais c'est pas un don puisque ça passe par des institutions, donc c'est pas de la générosité, soi-disant. Des gens qui, au contraire, de manière peut-être un peu cynique, disaient bon, allez, on va pas en faire tout un fromage, essayons de rendre ça banal. Moi, je crois qu'il y a une place à donner à ce terme quand même. Et le prélèvement, le problème du terme de prélèvement, est-ce que c'est pas justement qu'on en vient à désincarner paradoxalement ce qui est le geste le plus corporel qui soit, qui est de donner un de ses organes ou recevoir l'organe d'un autre? Et là, c'est vraiment une question de corps, parce que pour le coup, toute cette semaine, on a parlé du Phédon, de Platon. Une grande partie de la philosophie repose, se construit pour ou contre le dualisme entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le corps. Or là, redonner contre le terme de prélèvement redonner tout un sens à celui de don, c'est aussi plaider en faveur vraiment d'une identité corporelle, d'une vie qui soit corporelle, existentielle et pas seulement spirituelle. Oui, c'est ne pas reculer devant l'idée que quand j'accepte d'abandonner après ma mort ou de mon vivant, dans des cas très particuliers, une partie de mon corps, j'ai vraiment fait quelque chose. Ne pas le rendre abstrait, vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose de très incarné, au fond, dans ces greffes cette incarnation parfois nous fait un peu peur, on recule devant ça. Et puis le don, c'est aussi une manière de dire il y a des biens dans une société qui ne se transféreront que de cette manière-là. Ça signifie aussi, ils ne se transféreront pas par l'échange marchand et pas par le vol non plus. Et je crois qu'au début de notre discussion, il y avait eu ce terme du vol qui était Oui. Et justement, une des choses dont il faut prémunir les patients aussi, c'est de ce sentiment fantasmatique qui peut très bien les assaillir, qu'ils ont peut-être volé le corps de quelqu'un, qu'ils ont eu une attitude proche du cannibalisme, etc. Et comme ça assaille aussi leur psychisme, le terme de don est là aussi pour... pour dire que ce n'est pas de ça qu'il s'est agi. Mais alors, si je me fais un peu l'avocat du diable, on pourrait aussi se dire que le terme de prélèvement va dépersonnaliser la personne à qui cet organe a été pris. Et ça évite aussi une sorte de concurrence d'identité, vous voyez, où justement ça enlève cette question du vol, ça supprime cette question de l'imposture, et finalement c'est comme si on prélevait dans un magasin d'organes, comme si on venait choisir un organe. Alors effectivement, ça désincarne, c'est peut-être amoral, mais peut-être aussi que ça clarifie d'une certaine manière les choses. J'ai besoin d'un organe, et on va m'en mettre un. Mais je ne sais pas si ça suffirait à désamorcer la question de l'appropriation, pour autant. Je pense que, enfin, j'ai le sentiment que psychiquement, les patients se poseraient la question, quand même, de savoir mais de qui vient in fine cet organe. Donc finalement, le terme de don dessinerait même plus quelque chose de politique, finalement, une sorte de lien extra-politique ou extra-moral qui nous lierait les uns aux autres. Oui, ou en tout cas, une des modalités possibles de nos liens, y compris politiques. Pour moi, ça ne voudrait pas dire que ce serait autre que politique, que ça serait l'idée qu'il y a une générosité qui est supérieure à ce qui nous fait vivre ensemble. Non, ça peut faire partie, justement, de cette manière de vivre ensemble. Et je pense qu'au contraire, je suis pas certain que tout mettre du côté d'une certaine banalisation, encore une fois, aiderait vraiment. Je pense que dans la notion de don, dans l'idée que d'une incarnation et du rappel d'une personne, je pense que paradoxalement, ça peut peut-être aider à l'appropriation, en fait. Ça me semble pas insurmontable. Ça peut être intégré, du coup, comme une relation. Merci beaucoup Martin Dumont. Je rappelle que votre livre « L'annonce aux malades » est disponible aux éditions PUF, que vous avez co-dirigé « Le soin en première ligne » avec Frédéric Worms et Jean-Christophe Minot, disponible au PUF aussi, et aussi que vous avez co-dirigé « Pensez le soin » avec Simone Veil, avec Nathalie Zakaï-Reiners, et c'est aussi aux éditions PUF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, you could be. has left you down in sweatshirts. Absolute horror. Vous écoutez France Culture, c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. L'humanité est-elle à la croisée des chemins ? En 1932, au dernier paragraphe de son dernier grand livre intitulé « Les deux sources de la morale et de la religion », Bergson, Henri Bergson, philosophe français âgé alors de plus de 70 ans dans cet entre-deux-guerres déjà terrible, écrivait des phrases surprenantes invoquant une décision de l'humanité tout entière quant à son propre destin. Je le cite pour une fois. « Mais qu'on opte, dit-il, pour les grands moyens ou pour les petits, une décision s'impose. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre, à elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse jusque sur notre planète réfractaire la fonction essentielle de l'univers qui est une machine à faire des dieux. » Alors cette phrase, je ne vais pas la commenter dans sa fin énigmatique, mais dans son début qu'il est aussi. Est-ce que l'humanité est face à des choix ? Déjà en 1932, Bergson nous décrit une humanité écrasée par les progrès techniques qu'elle a faits, par les dangers qu'elle a elle-même produits, et bien sûr dans son livre sur la morale ouverte ou fermée, la société close ou ouverte, il réfléchissait aussi sur la paix et sur la guerre. Aujourd'hui, en 2021, face aux enjeux historiques que l'humanité affronte sur toute la planète, cette étrange planète réfractaire, est-ce qu'on ne doit pas encore plus se demander, prononcer ces phrases étranges comme si l'humanité était à la croisée des chemins, comme si l'humanité devait faire un choix? Mais qu'est-ce que c'est qu'un choix pour l'humanité? Qui est l'humanité? Comment l'humanité elle-même pourrait-elle, comme chacun d'entre nous, à la croisée d'un chemin dans une forêt ou dans une route, décider d'aller à droite ou à gauche, vers la fin du monde ou vers le salut de la planète, vers la guerre universelle ou vers un univers cosmopolitique? Est-ce que ce sont là des métaphores? Est-ce que c'est là de la rhétorique, de la mauvaise rhétorique philosophique? Il y a en réalité des sens possibles à ce choix de l'humanité tout entière. Mais ce sens, pour lui donner un contenu concret, suppose au moins deux choses. D'abord, il suppose la formulation des alternatives. Et bien sûr, pour cela, il faut de la philosophie, il faut de l'histoire, il faut de la science, il faut comprendre que des actions sont possibles dans un sens ou dans l'autre. C'est la condition de tous les choix. Nous l'avons longuement discuté déjà. Mais l'autre condition, c'est de construire les institutions. Ça ne se fera pas par tel ou tel individu unique seulement, comme même Bergson le croyait. Les institutions qui peuvent donner à ce petit mot « humanité » un sens concret, une capacité à se réunir et à agir. Les institutions, justement, qu'on appelle pas seulement politiques, mais cosmopolitiques. Le début du commencement de la constitution d'un cadre peut-être pluriel, universel, pour choisir l'organisation des Nations Unies, l'a été un petit peu après les grandes catastrophes. On construit un petit peu ces cadres. Construisons donc le cadre pour que les choix soient accessibles à l'humanité tout entière. Ça ne sera pas des choix simples. Il s'y rajoutera les conflits entre les sociétés humaines, les intérêts divergents. Mais puisqu'il est malgré tout vrai que nous sommes à une croisée des chemins inédite, une croisée des chemins globale, planétaire, malgré tout, n'avons-nous pas l'obligation de donner un sens concret à cette injonction philosophique et métaphysique d'un philosophe déjà âgé au milieu d'un XXe siècle déjà tragique? Merci Frédéric, votre chronique est à écouter sur le site de France Culture, à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Manon de la Selle, Jules Barbier, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, Louise André et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Nadège Antonini et Bernard Gabet à la lecture des textes. Si vous voulez écouter cette émission sur la greffe et celle sur les objets inattendus de la philosophie, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série et dès lundi au programme, 4 émissions, 4 animaux, le chat, l'âne, la souris et le poulpe. Je ne vous en dis pas plus, mais ce sera littéraire, philosophique et bestial. Miaou !